18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. On va parler de soccer avec notre ami. On sait qu'il y a maintenant. Hier, on a parlé de baseball. Là, maintenant, on va parler de soccer pour savoir connaître un peu les inscriptions, comment ça va dans les différentes ligues. Ensuite, on parle avec Pierre-Luc Jalbert, qui est directeur général de l'ARS. Bon après-midi, Pierre-Luc. Bon après-midi. Pierre-Luc, si on parlait un petit peu des inscriptions, comment ça va dans la région actuellement au soccer? Ben nous, si on se compare avec 2016, là, qui a été quand même une bonne année, là, avec plus ou moins 5 000 inscriptions. En 2017, là, pour l'été concrètement, si on parle des inscriptions là, de U4 à senior, on va tourner vers les mêmes chiffres, là, autour de 5 000 plus ou moins là, jeunes qui pratiquent le sport du soccer cet été. Juste dans la région, 5 000 joueurs? Oui, juste dans la région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapelle, c'est ça qu'on se rend jusqu'à Chibougamau. Ouais. Mais à Chibougamau, là, on parle d'environ 200 joueurs, mais on a plus de 5 000 joueurs qui pratiquent le soccer au Saguenay, en effet. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de joueurs. Quand on regarde tout ça, c'est toute qu'une organisation, là. Ben, quand on parle de ça, c'est probablement, c'est pas les chiffres que le baseball a présentement, mais ouais. Je dirais là que on est un des principaux sports là, en région, et que ce soit à Montréal ou etc. Là, on est vraiment un sport qui est pratiqué par les jeunes. OK. Mais dans les différentes ligues, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que ça roule rondement? Présentement, je vous dirais qu'on a une amélioration au niveau des terrains. Là, ça se passe super bien. Le nombre d'inscriptions, le nombre d'équipes s'est maintenu au cours de la dernière année également. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de U4 à U8, c'est les différents clubs qui font des pratiques ou des choses comme ça. Mais nous, on entre en ligne de compte à partir de U9. De U9 jusqu'à senior, je vous dirais que nos ligues, ça va très bien. On parle des fois de des ligues qui vont jusqu'à 12 équipes. Okay. Et c'est sûr que parfois il y a des catégories d'âge là dans le A qui on peut avoir une petite diminution, mais c'est normal. Là, dans ce temps-là, on parle de des joueurs là de plus haute catégorie. Mais je vous dirais là que présentement pour 2017, on est satisfait là de toutes nos ligues, tout se passe rondement, puis. On approche déjà des séries là, qui vont être à la mi-mai. C'est incroyable comment ça va être. Il y a le circuit récréation, mais également le circuit où ce que les équipes de la région qui sont sur la scène provinciale. Comment ça va de ce côté-là aussi? Ça va très bien. Les jeunes performent bien dans toutes les catégories là, où on est représenté. Je vous dirais que nos jeunes performent bien, puis on est très satisfait de nos équipes là, au niveau de PA. Notre directeur technique, Olivier Chartier, pourrait vous en parler un petit peu plus, là. Mais moi, les informations globales que j'ai à ce niveau-là, là, c'est que nos équipes se démarquent très bien. OK. Une chose qu'il faudrait améliorer, moi j'ai eu ouï dire à travers les branches que les ligues seniors, l'arbitrage faisait dur un peu. Il y avait des arbitres qui arbitraient des arbitres âgés de 13-14 ans qui arbitraient des matchs seniors. Est-ce que c'est vrai? Les arbitres de 13-14 ans, on se parlait, c'est des arbitres de tour. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que oui, l'Association régionale de soccer, nous, on s'occupe d'assigner les arbitres centres, donc les arbitres en chef. Donc, dans ces cas-là, vous ne retrouverez pas des arbitres de 13 ou 14 ans. Mais pour les arbitres de touche, quelquefois, bien sûr, c'est les clubs qui s'en occupent. Puis, on n'a pas tous des clubs la même grosseur en région, donc il y a certains clubs pour qui c'est plus difficile de trouver des arbitres de touche assez âgés. Nous aussi, c'est une préoccupation pour nous d'avoir des arbitres de touche de cet âge-là. Cette année, par contre, pour améliorer ça, parce qu'on est très au courant là, que c'est une problématique quand même, que que des adultes que des adultes puissent se faire arbitrer par ça peut être intimidant aussi pour les gens de 13 ou 14 ans d'arbitrer ce genre de calibre-là. Cette année, on a instauré les brassards, donc les jeunes qui sont à leur première ou deuxième année, qui sont souvent ces arbitres-là, portent un brassard là, de couleur jaune pour les différencier et au niveau de l'ARS, donc nous les sanctions, si jamais des joueurs ou autres personnes s'en prennent à ces arbitres-là, les sanctions sont doublées. Okay. Donc pour cette année, c'est ça qu'on a trouvé. Puis qu'est-ce qu'il faut prendre? Écoutez, nous, on a les moyens de faire voyager nos arbitres, exemple, nos arbitres centres, on a les moyens de les faire voyager pour aller arbitrer un match, exemple, à Saint-Félicien, je peux faire monter quelqu'un de Chicoutimi. Mais faire monter des arbitres touches, c'est plus difficile là, au point de vue du budget aussi. Là. OK. Ça doit être difficile en été aussi. Ben, c'est sûr que les gens ont différentes activités. Nous, souvent, nos arbitres, ils jouent au soccer. Ouais. Les parents, c'est des administrateurs de ligue. Donc, on s'entend là, que quelquefois, dans le senior, c'est pas évident de trouver des arbitres, puis pour les clubs également. Mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, là, il y a des soirées dans le senior qu'on peut avoir le dimanche soir où il y a des matchs, là, on peut avoir jusqu'à 9 matchs seniors en même temps ou presque là, dans la même journée. Puis les arbitres sont dévoués, il y en a même qui peuvent faire jusqu'à 2 matchs dans la même journée, un après l'autre. Mais il faut comprendre que c'est un sport qui se pratique durant l'été. C'est sûr que les belles journées, on n'en a pas une tonne, comme on a pu constater depuis le début. Ben ouais. Donc, mais jusqu'à maintenant, je voudrais que les arbitres répondent oui à l'appel, puis ça se passe très bien là, à ce point de vue-là. OK, OK. J'imagine qu'on est en continuel recrutement pour les arbitres. Ça doit pas être facile à trouver. C'est moins pire un peu que le hockey, là. Tu sais, le hockey, l'hiver, c'est assez particulier. Il y a des histoires d'horreur qu'on entend. J'imagine qu'au soccer, c'est un petit peu moins pire de ce côté-là. Là. Ben, on n'entend pas beaucoup d'histoires d'horreur par rapport à nos arbitres, je vous le dirais. Ouais, c'est okay. Sûr que nous, on commence à recruter en jeune âge. Pour les arbitres, on les commence au soccer à 7. Ensuite, on les envoie au soccer à 9. Donc, ils ont différentes formations qui sont obligatoires. On a des formateurs en région, là, Maxime Pépin-Larocque, François Bourgeois, qui sont formés par la Fédération de soccer québécoise. Donc, les jeunes, à partir d'un jeune âge, sont pris sous la tutelle de ces arbitres-là en chef. Puis c'est sûr qu'un arbitre de 13 ans, on l'enverra pas faire un match de 16-2. Mais on les prend dans un jeune âge. Puis je crois qu'on développe de plus en plus une forme d'expertise là pour développer nos jeunes avec des formations. Puis c'est pour ça que nos jeunes réussissent de plus en plus à rester là dans nos rangs. OK. Si on parlait maintenant du côté du haut du lac, est-ce que l'ARS est content du travail fait par les organisateurs, des gens de Roberval, très dynamique, Roberval, le soccer en passant, Dolbeau et également Saint-Félicien. Est-ce qu'on est content? Oui, très content. On sait que les gens mettent beaucoup de temps là dans le haut du lac pour offrir un service de qualité. Nous, on considère maintenant Saint-Félicien là, qui a une augmentation année après année, qui est devenu. Nous, on a 3 gros clubs en région qui sont Chicoutimi, Jonquière et Alma, qui sont les plus peuplés en termes de joueurs. Mais Saint-Félicien s'en vient à grand pas, donc on est très satisfait là, du travail qui se fait au lac. Puis on est maintenant en train d'avoir un 4e grand club au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, on en est très fiers du travail qui se passe là. Sinon, je vous dirais qu'à Roberval aussi, un très beau travail qui se fait également à Saint-Prime. Je dirais que le soccer est en santé dans le haut du lac. Pour la première fois, si je peux vous dire, les équipes du lac, là, dans la classe A, on commence à les faire entrer dans la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, avant ça, ils faisaient une ligue entre eux au lac, un petit peu comme dans le local. Mais là, vu la croissance et l'implication de tous, là, cette année, pour la première fois, le A est maintenant Saguenay-Lac-Saint-Jean et non plus séparé. OK. Toi, c'est ta première année comme directeur général, c'est ça? Oui, moi, je suis rentré à la poste au mois d'avril 2019. Comment tu trouves ça? Dans mon patin. Ouais, comment tu trouves ça? Ben, je vous dirais que je suis rentré, là, c'était un tour roulant, là, avec les institutions. Il fallait lancer la ligue de thé. Donc, il y a eu une transition qui a été faite avec l'ancien directeur général, là, qui a été très, très, très vite. Mais je vous dirais, là, que depuis peut-être une semaine ou deux, on commence à retomber sur sur notre chaise, là, puis je commence à prendre goût au travail, puis au travail qu'on effectue aussi, là. Puis c'est une très belle organisation. On a des gens dévoués face à ces gens-là, que ce soit le conseil d'administration ou les clubs, ça n'existerait pas. Mais moi, mon travail en tant que tel, là, j'apprécie beaucoup. C'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de temps libre les dernières semaines. Ouais. Mais je vous dirais que les heures que j'ai investies paraissent pour la saison 2017, là, qu'on est très content de ça, parce que c'est sûr qu'avec le départ de l'ancien directeur général, le but premier, c'était de mettre en branle une saison 2017, on s'entend. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr. On a bien réussi, puis je suis très content, là, c'est pas ce que j'occupe présentement. OK. Le futsal, je sais que c'est, on est en pleine saison dans l'été, mais le futsal, ça va venir assez vite pareil. Dans le Haut-du-Lac, c'est pas assez développé. On continue à développer ça, j'imagine, qu'on va continuer à mettre les efforts là-dessus aussi? Oui, c'est sûr que présentement, je vous dirais que j'ai pas encore réussi à toucher à ce dossier-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année passée, on avait plus d'équipes qu'en 2015. Donc, le but, nous, c'est de développer le futsal le plus possible. Ce qui est difficile, c'est de trouver des endroits, des gymnases qui permettent de pratiquer ce sport-là en hiver. Mais je vous dirais là que le développement les dernières années c'est très bien fait, puis nos efforts là, après la saison là à la fin août là, nous on va tout mettre en branle là, pour avoir plus d'équipes puis faire valoir ce sport là que je vous dirais là que les jeunes qui pratiquent ça adorent ce sport là. Ben effectivement. Ben Pierre-Luc Gilbert, gros, bravo, félicitations puis bienvenue à l'ARS, puis on aura sûrement l'occasion de se parler. Dans la journée, merci beaucoup. Voilà, le directeur général de l'ARS, section 5 actionnaire, Pierre-Luc Gilbert.